Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun pour Cible, une coédition Le Promeneur et le Musée de la Chasse et de la Nature, et sa préface à De l'érotisme de Robert Desnos chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Sans doute, voilà longtemps qu'à suivre la trajectoire de la flèche, on se sera préoccupé de ce qui lie le regard, le désir et la mort. D'abord de Cible, Annie Lebrun, c'est ce qu'on appelle dans l'édition un beau livre, oui. Un livre avec des belles images. Oui. Et un livre qui est plus un livre essai qu'un livre catalogue, bien que le livre accompagne une exposition qui vient tout juste de se terminer au Musée de la Chasse et de la Nature, une exposition qui portait ce titre, oui. Cible. Oui, donc c'est à l'occasion d'une exposition qui a été faite dans le cadre de l'année de la Croatie, et on m'avait demandé comme j'avais été liée à la Croatie par Adovanevsik, on m'avait demandé un peu qu'est-ce qu'on pourrait exposer, et moi il m'avait paru intéressant d'exposer justement des choses qui ressemblent pas à ce qu'on peut voir ici. Et je m'étais souvenu qu'en 1992-94, un jour, j'étais avec Radovanivsik au musée de la ville de Zagreb, c'est-à-dire l'équivalent du musée Carnavalet. Et dans un coin, on avait vu des images très étranges et... on avait demandé ce que c'était. On nous a dit, oh, c'est des cibles. Puis d'un air de dire, je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez à ça. Et on s'était approchés. Effectivement, on avait vu des images peintes sur bois qui étaient criblées de balles. Alors du coup, on a regardé ça avec le plus grand intérêt, d'autant que les images qu'on voyait étaient extrêmement variées. C'était manifestement de l'art populaire. Et puis, on a commencé à s'enquérir de qu'est-ce que c'est, d'où ça venait. Alors, il s'agissait de cibles, donc sur bois. Vraisemblablement, à l'origine, ça a été des fonds de tonneaux qui avaient été pris pour comme support du tableau. Et c'était des images et des cibles qu'on donnait en trophée comme récompense aux meilleurs tireurs des sociétés de tir, qui donc ont été très nombreuses en Europe centrale, à partir, je crois, du début du XVIIIe siècle et jusqu'à au début du XXe siècle. Et là, en se renseignant, on s'est aperçu que c'est pas seulement donc la Croatie, mais c'est toute l'Europe centrale, en particulier la Tchécoslovaquie, l'Allemagne aussi, qui avait ces sociétés de tir, et ces fêtes de tir qui même élisaient un roi du tir, et pour fêter le vainqueur, toute la collectivité, en quelque sorte, tirait dans ces images. Et alors, vous disiez qu'il y avait une grande variété d'images, et assez surprenante, il faut bien le dire. Hein. Il y a à la fois des scènes de chasse, mais aussi des scènes de genre, des scènes mythologiques, et même quelquefois des scènes érotiques. Oui. Ce qui donne à penser que tout peut devenir une cible. Oui, et c'est ça que c'est ça qui est saisissant. Tout peut devenir une cible, et même aussi, il y a des très beaux, surtout en Allemagne, il y a des très belles évocations de jardins merveilleux, il y a des licornes, enfin des sortes de paradis, et on voit que ces lieux merveilleux deviennent la cible, et même non seulement tout peut devenir cible, mais tout se passe comme si c'était justement ce qui n'est pas censé être une cible qui devient la cible. Mmh. Et par exemple, il y a dans ce qu'on avait exposé venant d'Osijek, donc une ville de Croatie, il y a une très belle image. C'est une jeune femme, un peu, donc c'est du 1830, je crois. Une jeune femme, jeune fille plutôt rêveuse qui a un petit chat comme ça. Donc il y a quelque chose de très, très à la fois apaisé, rêveur dans cette image-là. Et ça a été le prétexte à une sorte de criblage incroyable. Voilà. Donc on voit très bien que ce qu'on peut désirer est particulièrement l'objet de la cible. Donc le lien entre le désir et la mort, entre le regard et le désir, mais aussi entre la création et la destruction. Oui, et c'est alors ce qui est aussi, moi, ce qui m'avait saisi dans cela, c'est que à travers ces manifestations populaires, parce que c'est quand même essentiellement de l'art populaire, tout d'un coup, on retrouve toute une problématique qui va hanter et la sensibilité occidentale et l'histoire de la représentation. Mmh. Alors, votre propre texte, Annie Lebrun, porte un titre, oui. À cibles abattues. Oui. Il faut dire quelque chose. Je ne sais pas, parce que moi, enfin, en général, les titres, ça me vient comme ça, ouais. Après coup. Et là, je ne peux pas tellement expliquer, mais puisque vous me posez la question. On parle de bride. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, en travaillant, en réfléchissant là-dessus, sur cette question-là de la cible, je me suis aperçue qu'il y avait, un enjeu beaucoup plus grave qu'il ne paraissait. C'est qu'il y a, dans le fond, dans tout ça, une recherche de l'infini. C'est-à-dire de trouver un passage vers l'infini. Et que la cible va figurer ça, en quelque sorte. Donc, tout se passe comme si il fallait abattre les cibles les unes après les autres pour aller là où vous mène votre désir. Voilà, si je peux donner une explication au titre. Mais c'est très a posteriori, j'ai pas pensé à tout ça. Vous étiez sous le charme des cibles. Ah oui, ça m'a fascinée. Oui, oui. Puis parce que je comprenais pas. Et je trouvais ça très intéressant et comprenant pas. Alors donc du coup, je me suis arrêtée longtemps là-dessus, oui. Et ça vous a ramené à la hantise dont le regard a fait l'objet tout au long de l'Antiquité, par exemple. Oui, et puis on voit bien aussi que c'est le regard est aussi... la liaison du regard et de la cible, elle est évidente, mais on voit bien aussi que dès l'Antiquité, le regard est perçu comme quelque chose de dangereux. Mmh. C'est à la fois la Gorgone, c'est aussi Narcisse, c'est aussi Actéon. Donc il y a quelque chose dans le regard, dans la mesure où le regard, on peut dire aussi que le regard est prédateur, mmh. Dans la mesure où il arrête quelque chose, il s'arrête, il arrête quelque chose de vivant. Bien sûr, les choses ont changé avec l'invention de la perspective. Oui, alors ça, c'est moi qui avance ça de façon un petit peu aventureuse, mais ça m'a paru se tenir dans la mesure où j'ai vu que dans les traités, dans les premiers traités, plutôt dans les livres de vulgarisation sur la perspective, justement, on utilisait la figure de l'archer pour montrer quelle est la trajectoire, quel va être le champ de la perspective. Donc du coup, je me suis dit qu'il y a quelque chose là d'assez troublant aussi, du fait même que ça correspond à l'apparition des cibles peintes. Mmh. Et à nouveau, j'étais très, très intéressée de voir que ce qui se passait, les préoccupations qui étaient celles quand même de toute une classe quand même sophistiquée, puis qui réfléchissait donc tout, traitait de la perspective, eh bien passait justement dans la sensibilité populaire. Une cible peinte, nous en avons à Paris une très belle au musée du Louvre, c'est le Saint-Sébastien de Mantegna. Oui. Et donc c'est un tableau, bon, inutile de dire, d'insister sur la qualité de ce tableau, mais justement aussi, il m'a semblé que c'était pas du tout indifférent que dans les mêmes années, il y ait une prolifération de Saint-Sébastien. Mantegna lui-même en a fait plusieurs. Trois, oui. Et aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le dernier, en quelque sorte, va sortir du cadre. Donc on voit aussi qu'à travers ce personnage de Saint-Sébastien, qui est, si on peut dire, l'apparition du premier cornu dans le paysage, et pas n'importe quel cornu, donc qui va être un corps torturé, un corps très beau, un corps à la fois blessé par le regard, mais aussi blessé érotiquement, si on peut dire, que c'était pas du tout indifférent que ce soit que ce corps-là investisse le paysage, érotise le paysage occidental, et en même temps lui donne une profondeur qu'il n'avait peut-être pas jusque-là. C'est-à-dire en laissant penser qu'il y a toujours un au-delà de l'image. Un basculement vers l'ailleurs. Oui, c'est ça. Et il me semble, alors est-ce que parce que j'étais dans cette perspective-là, mais qu'à considérer, peut-être ça vaudrait la peine d'étudier de très près les trois Mantegna successifs pour voir peut-être que c'est quelque chose comme ça qui passe d'un tableau à l'autre, de sorte que même le dernier tableau, Saint-Sébastien sort du cadre à un pied déjà. Il y a une ouverture, et pour vous, c'est une ouverture sur une intériorité. Oui, et donc qui va emporter ailleurs. Oui. Et il y a une question qui se pose, est-ce le désir qui trouve sa cible, ou est-ce que c'est la cible qui éveille le désir? Oui, là, ça, je me garderai bien d'y répondre. C'est à débattre. C'est à chacun d'y répondre. Mm-hmm. Mais vous avez bien une réponse à cette question? Là, une fois de plus, j'ai été aidée par Sade. C'est-à-dire que aussi, il m'a semblé que dans toute cette problématique quand même compliquée de la cible, eh bien, on retrouvait ce qui hante Sade, qui est aussi le désir, dans le fond, de que tout se passe comme si, pour lui, il s'agissait d'anéantir l'objet qui ne va pas vous emmener vers l'infini. En inventoriant les thématiques, Annie Lebrun, vous avez été surprise par une absence assez étrange, celle du mythe de Diane et d'Actéon, oui, qui ne figure sur aucune cible peinte. Oui, alors bon, il faut dire que j'ai pas répertorié toute l'imagerie qui a été engendrée par ces cibles peintes. Et que ce serait un travail à faire, mais quand même dans le grand nombre que j'ai vu, et puis comme il s'agissait, comme aussi dans le mérite de l'exposition avait été, grâce à Gilbert Titeux et Claude Dantenez, de faire en sorte d'aller chercher aussi des cibles en Allemagne. Donc on pouvait quand même, il y avait un champ assez grand qui permettait de comparer. Puis au-delà même des choses qui ont été exposées, on avait consulté pas mal d'iconographies qu'on peut trouver dans les musées d'Europe centrale. Moi, je n'ai vu aucune figuration d'Actéon. Et là, ça m'a alertée, parce que s'il y a un mythe qui pose la question du regard, du désir, de la destruction, et même au-delà de la singularité, du désir, de l'animalité, c'est bien le mythe d'Actéon. Et là, ça m'a paru quand même. Je me suis dit que c'est pas, ça peut pas être par hasard. Alors, on peut rétorquer à cela que, bon, Actéon est surtout, fait l'objet de figurations surtout au XVIIe siècle aussi. Enfin, c'est plutôt c'est lié, par exemple, à l'école de Fontainebleau. En fait, tout ce donc ce serait plutôt un art de cour et que les cibles étant plutôt d'origine populaire, ça n'a pas passé. Mais quand même, les mythes circulent, hein, c'est pas, il n'y a pas de frontières. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions et à essayer de comprendre pourquoi on avait fait l'impasse sur Actéon. Et justement, il me semble que Actéon, enfin, on dit que Diane le transforme en cerf, c'est-à-dire le transforme. Elle a fait devenir la proie qu'il était en train de chasser parce qu'il l'a vue nue et qu'il est impossible de voir une déesse nue. Moi, il me semble que c'est une explication un peu courte. C'est plutôt le fait que Actéon veut aller là vers l'inconnu où le mène son désir. Et c'est ça qu'on ne lui pardonne pas. Et comme la cible est un leurre. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'Actéon. En quelque sorte, la cible empêche le crime d'Actéon. C'est ça qui m'a semblé. C'est une réponse à la question que je me posais. Et à voir aussi comment les différentes représentations d'Actéon sont structurées. Justement, il y a toujours un centre aveugle qui montre qu'il s'agit justement de... qu'on va beaucoup plus loin, c'est la cible dans la cible. Donc c'est vraiment la recherche de l'infini qui est le moteur, si je puis dire, de la course éperdue d'Actéon. Et vous qui avez pris pour cible de vos recherches les cibles, Annie Lebrun, est-ce que vous avez noté au cours des siècles une évolution des motifs? Vous disiez que tout avait commencé vers la fin du XVIe, début du XVIIe. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe, XIXe et au XXe? Mais au XVIIIe, ça, je sais pas, j'en ai pas vu beaucoup, mais il y a toujours donc cette production populaire. Bon, on retrouve justement aussi les figurations de l'amour, hein, qui, faut pas oublier, faut le dire et le répéter, que dès le début, dès l'Antiquité, Eros est ce petit archer aveugle, parce que ça aussi c'est important, la dimension d'aveuglement, mais l'aveuglement qui vise juste, et ça va être un thème qui revient continuellement dans toutes les réflexions autour du comportement amoureux au XVIIIe siècle. Donc effectivement, il y a beaucoup d'évocations, ne parlons pas de toutes les évocations mythologiques, où il y a les Dianes, où il y a tous les Eros, etc. Mais au fur et à mesure que la société se démocratise et que le tir va se démocratiser, il va y avoir un changement, justement, de la cible, si on peut dire. Parce qu'à un moment, c'est avec la fin, donc la moitié du 19e siècle, eh bien, la cire va passer dans... Toujours, c'était lié aux grandes fêtes, si on peut dire, ces concours de tir, hein, ce qui était lié à des anniversaires de saints. Donc, il y avait toujours un côté exceptionnel dans ces... Bon. Mais il n'empêche qu'une fois que ces fêtes sont remplacées par les foires véritables et par les fêtes foraines, eh bien, la cible va passer là. Et la cible quitte en quelque sorte la peinture. Et là devient ce qu'on connaît. Hein, toujours c'était imagé. C'était des petits théâtres aussi à la fin du 19e siècle. Et, bon, on en a vu tous, il y avait des automates ou des choses comme ça. Et ça quitte la peinture. Et la nouveauté, c'est aussi l'invention de la photographie et la démocratisation de la photographie, avec cette nouvelle abstraction symbolique, quand même très symbolique du statut du regard que introduit la photographie, c'est que dans les baraques foraines, on va pouvoir tirer sur sa propre image. C'est-à-dire, vous avez, en visant une cible, vous déclenchez un appareil photographique qui va vous prendre, vous, en train de tirer et en train de vous viser vous-même. Et ça, je pense que symboliquement, c'est assez important. D'ailleurs, un certain nombre de gens un peu alertés, s'ils ne sont pas trompés, quand même, dans les années 20, c'est aussi bien Man Ray que Breton, que Lee Miller, et puis après, plus tard, il y a aussi Beauvoir, Sartre, qui vont, dans la fête aux fêtes foraines, justement, se tirer sur le point. Et donc, ce qui, tout d'un coup, montre une prise de conscience de l'agressivité du regard, mais qui est retournée contre soi-même. Donc, c'est aussi le statut de l'individualité qui change, etc. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est aussi intéressant de voir comment, tout d'un coup, ce regard-là, comment le regard devient l'objet d'une attraction, mais d'une attraction qui rend compte de ce qui se passe dans les profondeurs de la sensibilité. Il y a des artistes aussi que vous évoquez au XXe siècle, Nikita Saint-Phalle. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est beaucoup plus tard. Et donc ça s'est repris de façon à la fois consciente et en même temps consciente dans l'agressivité, dans le désir d'en découdre justement, et avec la représentation et avec aussi la symbolique phallique que représente l'arme. Donc Nikita Saint-Phalle s'empare de... je crois que c'est au pistolet, hein, le pistolet, et donc elle tire dans des sacs de peinture, et à la fois avec le désir d'affirmer sa comment dire, indépendance féminine. Donc voilà, et puis aussi après William Burroughs, etc. Et on va retrouver continuellement. Il y a un enjeu entre le regard, la cible et la peinture et la représentation. Il y a donc ce livre, Cible, Annie Lebrun, qui paraît au Promeneur. Et puis, il y a votre préface à cet autre livre que j'ai annoncé tout à l'heure, de Robert Desnos, de l'érotisme, qui paraît dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Oui. Votre préface, vous lui avez donné un beau titre. Voici venir l'amour du fin fond des ténèbres. Mais c'est pas de moi, j'imagine. C'est un vers de Desnos, oui. Mais ça m'a paru une nouvelle voie à rendre compte de quoi il s'agit chez Desnos. Alors, c'est pas vraiment une préface. Ça a été pris comme préface, c'est qu'il y a un an ou un an et demi, l'association des amis de Desnos, qui publie toujours des dossiers extrêmement intéressants sur les différentes problématiques autour de Desnos, avait remarqué que je citais souvent ce texte-là de l'érotisme de Desnos, et il m'avait demandé si je voulais aborder la question amoureuse chez Desnos, ce que j'avais fait très, très volontiers. C'est un texte posthume de l'érotisme. Non, pas du tout. De l'érotisme, c'est un texte... pas de son vivant. C'était publié, je crois, vers 47, je crois. J'ai oublié le nom de l'éditeur. Mais c'est un texte qu'il écrit en 23. Quand il a 23 ans, à la demande de Jacques Doucet, qui employait Aragon, Breton et en l'occurrence Crevel, il lui demande qu'est-ce que c'est, dans le fond, qu'est-ce que c'est que la littérature érotique. Et ce jeune homme de 23 ans écrit en quelque sorte d'un trait cette analyse, beaucoup plus qu'une analyse, c'est une traversée justement de la sensibilité érotique. Et moi, je pense que c'est un texte extraordinaire qui, en même temps, éclaire aussi tout le rapport de Desnos à l'amour. Desnos établit qu'il y a, et ça, vous avez dû y être très sensible, un avant et un après Sade. Oui, oui, oui. Évidemment, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, parce qu'on ne le remarque pas beaucoup. Et aussi, bon, Sade n'étant pas un auteur érotique, proprement dit, c'était très intéressant de voir comment Desnos en fait le point central, enfin le pivot de toute sa réflexion, parce que là, il voit, et je pense que c'est ça le plus important, il voit que chez Sade, c'est la première fois que l'amour est considéré sous l'angle de l'infini. Du coup, donc ça lui permet aussi, lui, de faire une sorte de tri et de dans l'histoire de la littérature et de la lecture érotique pour voir qu'il y a des choses importantes et d'autres qui se le sont beaucoup moins. Par exemple, les contes de La Fontaine, ils mettent vraiment d'un revers de main, ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ça. C'est des petits trucs, enfin, un côté un peu graveleux. Tandis que justement, ils repèrent les textes qui voient quel est l'enjeu, dans le fond, de la question amoureuse. Donc, ce que vous soulignez, c'est sa radicalité. Radicalité oui. Passionnelle. Oui, mais ça, c'est pas étonnant de sa part. Qui lui permet de penser dans une perspective véritablement érotique. Oui, et c'est quand même aussi ce qui lui caractérise aussi bien sa poésie que sa vie, qui a été complètement éclairée par ça. Hein. C'est essentiellement c'est ça qui détermine son rapport au monde. Vous parlez aussi de sa désarmante intelligence sensible. Oui, parce qu'en même temps, il faut aussi rappeler peut-être à l'occasion que Desnos est un autodidacte. C'est pas que j'ai un amour particulier pour les autodidactes qui, en général, essayent de montrer qu'ils le sont. C'est ça qui me met hors de moi. Mais de voir justement comment, de façon sauvage, cette intelligence s'est formée comme ça avec cette richesse-là, et c'est peut-être aussi lié au fait qu'il a mis au centre de tout la question amoureuse. Et en voyant à quel point la pensée, la poésie sont justement liées à l'érotisme, si on peut dire, dans le sens où lui l'emploie. Qui n'a pas grand-chose à voir avec l'obscénité. Non, non. Et puis aussi cette chose extrêmement, extrêmement importante aussi, sur laquelle insiste Desnos, c'est de dire que l'érotisme est une science individuelle. Et je pense que ça aussi, il ne faut pas s'arrêter de le répéter, parce que bon, comme maintenant, on a des recettes pour tout et des modes d'emploi pour tout, il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais. Ça donne libre cours à quelques individus libres. Oui, c'est ça. Et ils ne sont pas si nombreux que ça. Non. Il en donne une petite liste. Bocasse, Rabelais, La Fontaine. Non. Non. Cela, non. Non. Mais en revanche, Sade, oui. Oui. Et pas seulement Sade. Laclos, Baudelaire, Pierre-Louis. La religieuse portugaise aussi. Apollinaire, oui. Et chacun d'une manière différente. Et c'est ça justement aussi qui est si important dans ce texte-là. Le fait que Desnos montre à quel point justement cette science individuelle qu'est l'érotisme va ouvrir justement pour chacun des mondes nouveaux avec des personnages qu'il a cités, c'est incontestable. Tout d'un coup, l'univers, l'horizon s'élargit justement. Vous disiez tout à l'heure que Desnos avait compris comme nul autre l'œuvre de Sade. Il y a pourtant une grande différence par rapport à l'amour. L'amour, non, ça n'en veut pas. Non. Il ne veut pas en entendre parler. Non. Alors que Desnos, oui, pour lui, au contraire, tout doit être misé sur l'amour. Oui. Oui. Mais aussi, ce qui est aussi qu'il y a quelque chose de très fort, qui est misant sur l'amour, mais en tenant compte, comme peu d'ailleurs, de tout ce qui a été l'apport de Sade concernant justement l'obscurité qui nous hante. Et bon, par sa vie aussi, je crois que Desnos a été comme ça. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai mis en exergue ce vers-là, voici l'amour venu du fond des ténèbres. On citait Apollinaire. Oui. Parmi les grands. Oui, oui. Pourquoi, aux yeux de Desnos, Apollinaire doit-il figurer dans la liste des grands érotiques? D'abord parce que sa poésie en est continuellement habité, hein, ça c'est sûr. Et puis il y a cet étrange texte que sont les 11 000 verges, qu'on a bizarrement, j'ai jamais compris. Aussi, peut-être, après je pourrais dire pourquoi, mais qu'on tient pour quelque chose, une sorte de divertissement, et qui est tout, qui est tout sauf un divertissement. C'est un texte tragique, inquiétant, ténébreux, et qui aussi est déterminant aussi du comportement et de la sensibilité érotique d'Apollinaire, et que Apollinaire et que Desnos a très bien vu tout de suite. Et c'est pas, je crois que c'est pas indifférent que c'est à peu près à la même date que 1907 que Apollinaire écrit cela, c'est-à-dire au moment où Picasso travaille aux demoiselles d'Avignon. Merci. Oui, c'est ça. Et bon, et compte tenu aussi de la proximité d'Apollinaire et de Picasso, de la déférence qu'ils avaient l'un pour l'autre, là, je pense que quelque chose de très fort s'est joué aussi dans la sensibilité occidentale, dans la modernité. Et à sa manière, Desnos l'a ressenti. Voilà. Et votre préface, vous la refermez, si on peut dire, sur une double passion de Desnos pour les chansons et les voix, oui, d'une part, et d'autre part, pour le cinéma. Oui. Et donc, qui est aussi pour lui, hein, une des façons, une sorte de communisme de l'ombre qui fait que la sensibilité, une sensibilité collective se crée là. Et puis aussi les voix, parce que je pense que c'est très important que lui ait redonné, ait su dire quelle importance érotique de la voix. Et c'est très intéressant qu'il ait fait cette notation-là, parce que dans les 120 journées de Sodome, Sade remarque qu'il y a peu de sens qui interpelle justement le désir comme la voix. Dany Lebrun, Cible, aux éditions Le Promeneur, en coédition avec le Musée de la Chasse et de la Nature. Et sa préface à De l'érotisme de Robert Desnos chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire. Du jour au lendemain, Pascal Bénard, Anne Fécheret, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.